fousi, moi si nous tout pari. Nous peut faire qu'on le serré. Nous pas là pour nous parler. Pas même là pour nous mêler. Si vous si, moi si nous tout pari. Nous peut faire qu'on le serré. Nous pas là pour nous parler. Pas même là pour nous mêler nous. Si c'est miel, moi c'est sirop. Pas qu'à dormir si doux. Moi parti ni godo. Même pour faire qu'on gigolo. Quand si même passé, en même temps parler des roues. Venir pour qu'on les serré. Antis ou bien balancé. Mais tout le monde peut crier. Mais tout le monde peut parler. Aïe, zo, Kevin. Oh, mais qu'à dire. Mais tout le monde peut crier. Mais tout le monde peut parler. Eyes of Kevin, whoop my cardio. Let me tell you, boy, but any problem, maîtresse la terre, whoop my cardio. Jacques a ouvert, préparé pour nous aller. Pour danser, coller, serré. En tisouk bien balancé. Oh, mais tout le monde peut crier. Mais tout le monde peut parler. Eyes of Kevin. Au moins qu'à dire, tout le monde peut crier, mais tout le monde peut parler. Eyes of Kevin, au moins qu'à dire. Tout le monde peut parler. Aïe, zo, Kevin. Nous parler. Wop, moi, Kadi. Nous parler.